cassé le coccyx ce matin. Ça lui a fait très mal. Tu l'avais à peine pris par la main. Et ça, c'est très mal. Michael savait ce qu'il faisait, il en était conscient. C'est le psychopathe dépassé par les événements. Oui, car tout le monde sait.